Pendant 5 mois entiers, chaque soir, sur la rive, plein d'un emportement qui jamais ne faiblit, j'ai caressé sur l'herbe ainsi que dans un lit cette fille superbe, ignorante et lascive. Et le matin, mordus encore du souvenir, quoique tout alangui des baisers de la veille, dès l'heure où dans la plaine un chant d'oiseau s'éveille, nous trouvions que la nuit tardait bien à venir. Quelquefois, oubliant que le jour dut éclore, nous nous laissions surprendre embrassés par l'aurore. Vite, nous revenions le long des clairs chemins, mes deux yeux dans ses yeux, ses deux mains dans mes mains. Je voyais s'allumer des lueurs dans les haies, des troncs d'arbres soudain rougir comme des plaies, sans songer qu'un soleil se levait quelque part, et je croyais, sentant mon front baigné de flammes, que toutes ses clartés tombaient de son regard. Elle allait au lavoir avec les autres femmes. Je la suivais, remplie d'attente et de désir. La regarder sans fin était mon seul plaisir, et je restais debout dans la même posture, muré dans mon amour comme en une prison. Les lignes de son corps fermaient mon horizon. Mon espoir se bornait au nœud de sa ceinture. Je demeurais près d'elle, épiant le moment où quelque autre attiré la guettait toujours prête. Je me penchais bien vite. Elle tournait la tête. Nos bouches se touchaient, puis fuyaient brusquement. Parfois, elle sortait en m'appelant d'un signe. J'allais la retrouver dans quelque champ de vigne, ou sous quelques buissons qui nous cachaient aux yeux. Nous regardions s'aimer les bêtes accouplées, quatre ailes qui portaient deux papillons joyeux, un double insecte noir qui passait les allées. Grave, elle ramassait ses petits amoureux et les baisait. Souvent, des oiseaux sur nos têtes se becquetaient sans peur, et les couples des bêtes ne nous redoutaient point, car nous faisions comme eux. Puis, le cœur tout plein d'elle, à cette heure tardive où j'attendais, guettant les détours de la rive, quand elle apparaissait sous les hauts peupliers, le désir allumé dans sa prunelle brune, sa jupe balayant tous les rayons de lune, couchés entre chaque arbre au travers des sentiers, je songeais à l'amour de ces filles bibliques, si belles qu'en ces temps lointains on a pu voir, éperdues et suivant leurs formes impudiques, des anges qui passaient dans les ombres du soir.